بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم الولاء والبراء والعلوص والدزابو للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. تخرجي كومنتي بار أبو تيمية خليل المحتنيكي حفظه الله تعالى. فاكم بارتي. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الدرس السابق أخذنا يعني من مظاهر موالة الكفار. هل تستطيع أن تذكرنا شيئا منها؟ الهجرة، البقاء المسلمين، التعاون معها. عفوا، من مظاهر موالة المؤمنين. نعم، الهجرة، أيوة، البقاء مع المسلمين، التعاون معها معهم هم. نعم، والدعاء، الدعاء لهم. نعم، وكي pour eux faire la hijra et secourir. ايوا زيد. الوقوف معهم في اليسر والعسر. Difficulté en facilité est avec eux. Naam. La carne donne ihtilam hukukihim, c'est de respecter leurs droits. Ma'arif kabihim. Naam. Walbaki kazakarta. Taïb. Soumalium se trouve fi fosn jadid, wa huwa aqsamun nasi fi ma yajibu fi haqqihim min al-wala'i wal-bara. Des catégories de gens sur qui il est obligé d'avoir comme alliance des aveux. Les la yatafawatun minhum man huwa min awliya illahi wa minhum man huwa min a'da illah wa hatta fi awliya illahi tadarruj les sawa. Parmi les gens, comme tu sais, il y a des gens qui sont des aveux d'Allah et d'autres qui ne le sont pas. Et même parmi les mu'minin, voyez, les gens ne sont pas égaux. T'as les pieux, t'as les moins pieux, t'as ceux qui sont encore plus bas, les fous simples, les pervers, les mubtadi'a, ainsi de suite. Donc maintenant, c'est Adillah, Allatina ta'arak bil mawalat al mu'minin, kulluha tujal fi mawdi'iha. On les met à leur place. C'est pas on aime tous les musulmans de façon égale. Vous voyez, il y a des différences à établir. Tu ne vas pas aimer ton frère mustaqim comme tu vas aimer un fasiq. Tu vas pas aimer ton cas salafi quand tu vas aimer un mubtadi'a. Et ainsi de suite. Tamam. Faqal. Anasu fil wala'i wal bara' ala thalath aqsam. Que les gens dans l'alliance des aveux sont de trois catégories. Al-qism al-awwal man yujib. Non, c'est yujib. Ou man yuhab. من يحب محبة خالصة لا موعدة معها. طيب لا موعدة معها. Celui qui doit aimer d'un amour pur sans aucune animosité. Que de l'amour pour lui. فمن هم هؤلاء؟ قال وهم المؤمنون الخلص من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. Donc ceux-là sont les croyants purs. Hein, من الإيمان كامل. Min, comme les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Wa huwa la min ala darajat kama dhakara Allah fi kitabih. Dans un verset qu'Allah laisse citer, que parmi le niveau le plus haut à voir, c'est d'être avec ces gens-là. Wa fi muqaddimatihim Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fa innahu tajib mahabbatuhu a'zam من محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. Le fait en premier d'aimer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En premier lieu, c'est lui qu'il faut aimer le plus. D'accord? Plus que soi-même. Plus que nos pères, nos enfants et que toutes les personnes réunies, tous les gens réunis. Fa min dit zalika bourd man la yuhibbuhu. le fait de détester ce qu'il n'aime pas. Tu vois, le fait de détester ce qu'il n'aime pas, alors que dire de ceux carrément qui s'en prennent à lui? Parce que tu peux ne pas aimer quelqu'un, sans pour autant faire preuve de haine envers lui. Tu ne fais pas d'injustice, tu n'offenses pas, tu ne le laisses pas dans ses droits. Tu ne l'aimes pas, alors que dire quelqu'un qui ne t'aime pas, il y a en plus de ça qui te fait du mal. Comment ça doit être? Qui se moque de toi, comme tu sais, qui te critique, qui fait tes caricatures et ce genre de choses. Alors qu'est-ce que tu veux ressentir pour lui? Summa zawjatuhu ummahat al-mu'minin wa ahl baytihi at-tayyibun wa sahbatuhu al-kiram wa sahabatuhu al-kiram khususan al-khulafa'i ar-rashidin wa baqiyat al-ashara والمهاجرين والأنصار والبدر والبيعه الردوان بيعه الردوان ثم بقيه الصحابه ثم التعاون التابعون والقرون المفضله وصلاف هذه الامه وائمتها كالامه كالائمه الاربعه كالائمه الاربعه donc il dit également le fait d'aimer ses femmes, les mères des croyants et les gens de sa maison prophétique et ses compagnons, ses nobles compagnons, et tout particulièrement les quatre califes bien guidés. Manhum Naam Haoula Ala Rasihim Wa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyin. Salam, il a exhorté de s'accrocher à sa sunnah et celle des califes bien guidés. Donc c'est bon, tous ces gens-là sont, vous voyez, devant des autres. حتى أبو بكر الصديق قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا. Je vais prendre quelqu'un comme, on va dire, خليل se traduit comme la personne la plus aimée. الخلة هي أعلى مرتبة المحبة. C'est le niveau le plus haut d'amour. Je dis, je vais aimer, prendre, il traduit ça par ami intime, tu vois, ami proche. Tu vois, alors qu'à la base, Abou Bakr c'était un ami proche, le prophète صلى الله عليه وسلم. Mais خليل, tu vas vraiment traduire, ça c'est difficile. Donc ils ont mis ça quoi, ami proche. Mais en vrai, il déteste son ami proche. Tu vois. Donc elle s'est dit qu'il était ami proche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je devais choisir quelqu'un comme Khalil, j'aurais pris Abou Bakr comme Khalil. Wa qad su'ila man ahabbu an-nas ilayk? Qala Abou Bakr. Qala thumma qala bintu. Tu vois. La personne la plus aimée auprès de lui, c'est son compagnon Abou Bakr. Il a dit ensuite Aisha. Donc il dit également d'aimer les 10 parmi ceux qui ont été à qui le Jannah a été promis. Comme on a dit, tous les Sahaba rentrent au Jannah, seulement ces 10 là ont été particularisés du fait qu'ils étaient cités dans un hadith tous ensemble. Vous voyez, on l'a déjà cité au début du vers. Également les Muhajirun ou les Ansar. Que ceux qui ont fait la Hijra sont meilleurs que les Ansar. Du fait que quoi, ils ont réuni les deux fadl, celui de la Hijra et celui du Nasr. A la kulline, wa min alamat al-nifaq bourd al-Ansar, comme a dit le Nabi sallam. Parmi les signes de l'hypocrisie, le fait de détester les Ansar. Wa al-Badr, wa les gens de Badr, et les gens de la première Bay'a qui a eu l'agrément, celle sous l'arbre. Les gens qui ont porté le pacte pour être sous l'arbre, vous voyez, ces gens-là, il faut les aimer. Les gens de Badr, car ce fut le premier affrontement armé qui eut lieu entre les gens de l'islam et les gens du Kufr, à Badr. Bien qu'à la base, ils n'étaient pas partis pour cela, mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'ils se sont rencontrés devant eux, et de là a eu le premier combat. Et les gens de Badr, comme a dit le Salam, en Allah qad afa anhum. Allah leur a tout pardonné ce qu'il y avait avant. Donc cela implique que tu veux les aimer. Si Allah leur a pardonné, comment toi tu vas arriver derrière et les critiquer? ثم بقيت الصحابة. Ensuite le reste des Sahaba. Ensuite les Tabi'un, ceux qui les ont suivis, ainsi que les siècles, les Fadala. Il y avait trois. Comme le Nabi Salam, خيرون الناس الذين يعني كرني ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم. يعني mon siècle, ensuite celui d'après, ensuite celui d'après. Également le salaf de cette communauté et ses imams. Comme par exemple les quatre imams. Faites d'aimer les salafs, cette umma, salaf salih, et les imams de cette communauté, les ulama, la fiyama ulama et sunnah, comme les quatre imams, par exemple. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Il dit dans le sens ceux qui sont venus d'après eux et qui ont dit ô notre Seigneur pardonne-nous ainsi qu'à nos frères ceux qui nous ont devancés dans la foi et ne mets pas de haine entre ceux qui ont cru ô notre Seigneur tu es certes pardonneur et miséricordieux. Ce verset démontre que tu dois faire dua pour toi et c'est avant toi parmi les gens de Khayr. Et Allah subhanahu wa ta'ala a déjà fait l'éloge de ces gens-là. Allah a déjà montré qu'ils agréent, qu'ils l'ont agréé. Donc il n'est pas permis de les critiquer, de parler en mal sur eux et de les détester comme serait le, par exemple, le cas des Rafidah. Alors que dire de leur homme mécréant? Que dire du fait de leur homme mécréant? Ça va te rendre mécréant toi aussi. Le fait de rendre mécréant. Par exemple, les quatre Aïma, les quatre Khulafa Rashidin ou la plupart des Sahabos, ce genre de choses, cela te fait sortir de l'islam. D'accord? Les critiquer, ainsi de suite. Pour leur religion, ce genre de choses, cela te sort de l'islam. Qale wa la yab'ud as-sahaba, la yab'ud as-sahabata wa as-salaf adil umma man fi qalbi iman. Wa innama yub'iduhum alu zayr والنفاق وأعداء الإسلام كالرافضات والخوارج نسأل الله العافية. Donc il dit, il n'est pas possible pour une personne qui a la foi dans son cœur de détester les Sahaba et les Salafs de cette communauté. Comme on l'a dit, il a bien dit, celui qui a une foi dans son cœur, cela démontre que celui qui ne les aime pas, qui les déteste, cela le sort de l'islam. Et même le bourd, il y a des darajat. C'est pas tout bourd qui t'amène sur l'islam, mais voilà. Et seulement, ils sont détestés par les gens de la déviance, de l'hypocrisie et les ennemis de l'islam. Comme par exemple les Rafida et les Khawarij. Les Rafida sont les Kuffar. Khawarij est un khilaf entre les ulama. Vous voyez ? C'est bon sur le hadith que Yamrukuna min al-din kama tamruk al-sahm min al-farisa. Qui sortent de la religion comme l'a fait à l'exemple de la flèche qui traverse la cible. De là, des savants voient qu'ils sont, il y en a qui voient que c'est des koufars, d'autres qui disent que non. Il y a un khilaf. Parmi ceux qui voient qu'ils ne sont pas des koufars, par exemple, parmi les sahaba, Ali ibn Abi Talib. Car il a dit quoi? Il croit nous barou alayna. Au début, il a dit quoi? Il y en a le munafiqin, la yaskunun Allah. Il y a le munafiqun, la yaskunun Allah, amal khawarij, ma'aloufun mi sifatihim, en yakurun le Coran kathiran. C'est des ubbad, en apparence. Il dit comment? C'est des munafiqun. Il dit, Ikhwanun Barou Alayna. Ce sont nos frères qui nous ont lésés. Ils ont été injustes envers nous. Et d'autres ulama également voient que ce ne sont pas des kuffars. Ça, c'est encore notre mas'ala. Non. Ala kulinhum min adullal. Bila shak. Kila bin nar, comme a parlé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La qism thani, donc ça, c'est la première catégorie. D'accord? Les gens qui nous incombent d'aimer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa tête, les sahaba, et parmi eux ses femmes, taban, et surtout les quatre khulafa, et les salafs, et l'aïma de cette communauté. Et quand on dit aïma de cette communauté, l'oratène, même l'oratène, salaf, ça peut être celui de notre époque qui est mort avant nous. Quand salaf, il nous a devancé. T'as la salaf, yani, ça peut être yutlaq à la sahaba, ou al kulun mufaddala. Ou également, yutlaq ala man kana qablak, ala al-khayr, ala al-huda. Hein? Quand yukal lahum salaf, kazalik. Mais lorsqu'on dit salaf, comme ça, sans taqiyid et sans bayen, souvent, ce qui a compris en premier lieu, c'est les sahaba et les gens des premiers siècles. Tamam? Thumma qal, al-qismu thani, man yub'idu, ou yub'adu, ou yu'ada, bu'udan, mu'adatan, خالصين لا محبة ولا موالاة معهما. Que dit ce qu'on doit détester. Et on doit avoir de la haine envers eux. Aucun amour, aucune alliance dans le sens. Qui sont-ils? Là, c'est le contraire des premiers. وهم الكفار الخرس من الكفار والمشركين والمنافقين والمرتدين والملحدين على اختلاف أجناسهم. كما قال تعالى: لا تجدكم من يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال تعالى عائبا على بني إسرائيل: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. Donc qui sont ces gens qu'on doit détester totalement et purement? Ce sont les kuffars en premier lieu, et les mushrikoun, et les munafikoun, les hypocrites. Murtaddin, c'est les apostats, ceux qui ont apostasié, qui sont sortis de la religion. Les mulhidin, souvent ils traduisent ça par les athées. Mulhidin, souvent. Voilà. Et cela, malgré les différences de leur catégorie, qu'ils soient un murtad ou un munafik ou ce genre de choses, on le déteste. D'accord? On le déteste. Comme dans le sens, Allah subhanahu wa ta'ala vous dit que tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah au jour dernier, et mais ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, ne serait-ce que leur père, ou leur fils, ou leur frère, ou les gens qui leur sont proches de leur tribu. À cette suite. Et dans le sens, Allah il dit, en blâmant, en critiquant Bani Israël, il dit: tu vois beaucoup d'entre eux s'allier à ceux qui ont mécru. Quelle mauvaise chose, donc, ont commis leurs mains. Hein? Que la colère d'Allah s'abat sur eux, ils seront dans le châtiment éternellement. Et s'ils croyaient réellement en Allah et son messager, et ce qui est descendu sur lui, c'est-à-dire la révélation, ils ne les auraient jamais pris comme alliés. Cependant, beaucoup d'entre eux sont des pervers. Min sifatihim, min bani Israël, min qabl, anhum takhazul les kuffar awliya. Par peur d'être atteint par un mal, comme il disait. Hein? Par peur d'être atteint par un mal. Et cela aujourd'hui parmi les sifats des munafiqin qui s'allient aux kuffar par peur d'être atteint d'un mal. Et à la base, alayka an tasbira. Alayka an tasbira ala ma qaddara Allah alayk. Dun an tuwalli al-kuffar. Thumma, donc les kuffar, il est obligatoire de les détester. Et même les kuffar, ils ne sont pas tous égaux dans les relations à avoir avec eux. Par exemple, celui qui te combat n'est pas comme celui, par exemple, qui te laisse, c'est un kafir, mais il ne te fait pas de mal, en apparence. Comme dans ce qu'on avait pris précédemment dans l'autre chapitre, vous avez fait le tambi, par rapport à quel verset? La yanhaakum Allah an alladhina lam yuqatilukum fi ad-din. Et ainsi de suite. Que Allah ne vous empêche pas, c'est-à-dire, contre ceux qui ne vous ont pas combattu en religion. Il y a des koufars, bien qu'ils soient kafirs, ils ne te font pas la guerre pour ta religion. Il y en a d'autres qui te font la guerre. Ceux-là, ils ne sont pas égaux. Tu comprends, ils ne sont pas égaux. Même chez les koufars, et le kitab, ils ont une martaba moins basse que les autres. Par exemple, eux, comme on l'a dit, ils peuvent vivre dans les pays d'islam s'ils payent la jizya. Ils ont le droit. S'ils payent la jizya et qu'il y a un hard, tu ne les touches pas. Ils ont des droits. Tu peux même te marier avec une kitabiya. Muslim, attends, tu te maries avec une kitabiya. Mais les autres, mushrikoun, un irréel kitabiyin, maya juzlaoum el baqa, en sorte musulmin. Wa ma fi jizya lahum. Vous voyez, ils n'ont pas de jizya, ils n'ont pas de droit. Ça, c'est khos pour les kitabiyin. Yes. Ça prouve que les mêmes koufars, ils ont dans la jette. Et eux, la différence dans le Kitabiyyin, c'est qu'ils ont reçu un livre, comme on l'avait dit, dont la base est réelle. C'est un livre céleste, min Allah. Innama hum harrafuhu wa mattaba'u haqq al-tatabbu'. Falihada wa qawf al-shirk wa al-kufr. L'eau, hein, y'a le Kitab, laisse-tu malachir hatta tokimu al-Torata wa l'Injil. Ou les gens du livre, vous ne suivez rien tant que vous n'appliquez pas le Torah et l'Injil. Le fait d'appliquer le Torah l'Injil, ça t'amène à quoi? À l'islam. À l'islam. C'est ça le but. L'acheminement pour arriver jusqu'à l'islam. C'est à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc les koufars, eux, il nous est obligatoire, celui qui aime les koufars, hein, l'amour qu'il peut porter pour ce couvert peut le sortir de l'islam. Cet amour, pour que chacun regarde au fond de lui, qu'est-ce qu'il ressent pour les koufars, ceux qui sont autour de lui. On ne peut pas parler des parents, c'est autre chose. C'est un amour naturel pour les parents, ou les proches. Ça c'est l'amour naturel, c'est autre chose. Mais c'est un amour qui n'est pas permis d'avoir pour eux. Même tes parents qui sont des koufars, tu as une haine envers eux pour leur kouf. C'est pour ça que ton amour naturel t'amène à quoi? À leur donner leur respect parental, à leur rendre leur respect parental. Et ta foi t'amène à quoi? Ta crainte d'Allah t'amène à leur obéir, comme Allah te l'a ordonné. Et là, Allah yaftah, yashrah sudurahum min islam. Bi sabab hadhihi al-akhlaq at-tayyibah wa al-mu'amalat al-hasana. Parce que par ce beau comportement ou quoi, cela peut être une cause justement. Toi, tu leur veux bien à tes parents, tu veux qu'ils se convertissent. Tu ne veux pas qu'ils aillent en enfer. Donc, c'est quoi la cause pour que tu puisses préserver de cela, par la grâce d'Allah, que tu les appelles à l'islam? Et c'est dur, on sait que c'est dur d'appeler des parents à l'islam. Et tu ne peux pas y arriver par les paroles, c'est-à-dire en vente d'awah, en parlant, fais-le par ton comportement. C'est ce qu'il y a de plus influent. Le comportement, c'est le plus influent sur eux. Qui se rend compte que les gens d'islam ont un bon comportement. Du moins, les gens d'islam qui appliquent un islam correct, que l'islam, quelles sont ses valeurs. Leur montrer par tes faits et gestes. Non. Donc il dit Al-Qismu al-Thalif Man yuhab min waj ou yub'ad min waj. Celui qu'on aime d'un côté et que l'on déteste d'un autre. Lui, min al-amrayn. Law mahabba wa laysa al-mahabba al-ulya wa law bu'd wa laysa al-bu'd al-adna. Il a un amour, mais il n'est pas l'amour le plus haut. Et on ressent pour de la haine, mais ce n'est pas la haine la plus basse. La plus dure. فَتَجْتَمِعَ فِيهِ الْمَحَبَّةِ وَالْعَدَاوَةِ وَهُمْ عُصَاتِ الْمُسْلِمِينَ يُحَبُّونَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِيمَانِ وَيُبْعَدُونَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَعْصِيَةِ الَّتِي يَدُونَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ. Donc eux, ces gens-là, ils réunissent en eux l'amour et la haine. On doit porter pour eux de l'amour et de la haine. Et ces gens-là sont qui? Les gens désobéissants parmi les mu'minines. Parmi les croyants. Qu'on les aime pour ce qu'ils ont comme iman et qu'on les déteste pour ce qu'ils ont comme ma'asi, comme désobéissance. Tant que celle-ci n'atteint pas le kufr et le shirk, la mécréance et le polythéisme. Wa mahabbatuhum taqtadi munasahatahum wa l'inkar alayhim wa la yajuzu al-sukut ala ma'asihim bel yunkar alayhim wa yu'maruna bil ma'aluf wa yunahuna an munkar. وتقام عليهم الحدود والتعذيرات حتى يكفوا عن معاصيهم ويتوبوا من سيئاتهم ولكن لا يبعدون بعدا خالصا ويتبرأ منهم كما تقوله الخوارج في مرتكب الكبيرة التي يدون الشرك. Donc il dit que le fait de les aimer implique le fait de les conseiller et de les blâmer pour le mal qu'ils font. Il n'est pas permis de se taire sur leur désobéissance. Même si un mu'min, tu dois l'aimer, hein, tu dois ordonner le convenable et interdire le blâmable. Et le blâmer pour le mal qu'il fait. Qu'on doit les interdire de faire le mal qu'ils font et également les appeler à faire du bien. Qu'on doit plus sur les sentences lorsque celles-ci sont nécessaires. Comme Zani. Tu vois. Comme Sariq, comme Shalou al-Khamr, comme Qatil al-Nafs, et ainsi de suite. Ceux qui dépassent les hudud d'Allah, tout comme al-hudud. Bien sûr, man ou l'il-amr. C'est pas à nous. C'est les gouverneurs en pays d'islam qui font ça. Donc, agir de la sorte avec cela, jusqu'à ce qu'ils délaissent leur mal et qu'ils se repentent de la mauvaise action. Cependant, on ne les déteste pas d'un dégoût total, comme c'est le cas des koufars. Et on ne s'innocente pas d'eux, totalement comme le font les khawarij qui, eux, rendent mécréant celui qui commet un grand péché. D'accord? Grand péché autre que le shirk, tabarak. Wala yuhabbouna ويولون حبا وموالة خالصين كما تقول المرجئة، بل يعتدل في شأنهم على ما ذكرنا كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. Mais le contraire, c'est que on ne les aime pas d'un amour total également, ni d'une alliance totale, pure, comme le font les Mourji'a, qui eux disent que l'iman, à partir du moment où tu as l'iman, al-ma'alifa, et kolbik, que l'iman ne monte pas, il ne descend pas. Par exemple, tout croyant, son iman, le même qu'iman que Jibril, alayhi salatu wa salam, ou que Mohammed, sallallahu alayhi wa salam. Donc eux, ils voient que même si à partir du moment où tu dis que tu es mu'min, tu fais la shahadatayn, et que dans ton cœur tu reconnais, on est tous pareils. Quoi que tu aies fait, ou que tu aies délaissé, tu es un croyant pour eux, on doit t'aimer comme tu es. Et Allah Dalal. Allah Dalal. Cela peut nous emmener à aimer qui ? Iblis. Et Iblis reconnaît son Seigneur. Iblis reconnaît son Seigneur. Tu vois ? Au Yumin Billah. Cependant, il ne lui a pas obéi. Et sa désobéissance a amené à quoi ? L'orgueil. Et au couf, tu lui as valu quoi ? D'avoir été maudit. De s'opposer, de se rebeller sur l'ordre de son Seigneur. Mais qu'il le reconnaît. Hein? Il le reconnaît. Donc il dit qu'il faut être juste à propos des gens désobéissants. D'accord ? Et telle est la position des gens de la Sunna. Al-Wasat. Wa ja'alnakum ummatan wasata. Wa ja'alnakum ummatan wasata. Al-Sunnati wa Jama'a, c'est toujours les gens du juste milieu. Sans rouleau et sans tamir. Sans le rouleau, par exemple, des Khawarij, ou le tamir des Mourji'a. Et même les gens qui ont le tamir, ils ont du rouleau. Ils exagèrent par exemple dans le tamir, dans des choses. Nous, elle, l'aqida, elle va sortir. Elle est juste au milieu. Naam. Wal hubbu fillah wal bughdu fillah awthaq wara al iman wal mar'u ma'a man ahabba yawm al qiyamati kama fi al hadith. Que le d'aimer Allah et de détester Allah, cela est l'alliance la plus ferme de la foi. Et que l'homme sera avec qui il a aimé yawm al qiyamah. Comme on l'a dit au début. وقد تغير الوضع وصار غالب الموالاة الناس موالاة الناس ومعالتهم لأجل الدنيا فمن كان عنده طمع من متاعم الدنيا والله وإن كان عدوا لله ولرسوله ولدين المسلمين ومن لم يكن عنده طمع من متاع الدنيا عدوه ولو كان وليا لله ولرسوله عند أدنى السبب وضايقوه واحترقوه وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه من أحب في الله وبغض في الله ووال في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك وقد صارت عامة مؤاخذة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد عاد لي وليا قال من عدا لي وليا فقد أذنته بحرب طيب وأشهد الناس محاربة لله من عاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبهم وتنقصهم مثل الروافض وقد قال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي فلا تتخذوهم غرضا فمن أذاهم فقد أذاني ومن أذاني فقد أذى الله ومن أذى الله يوشك أن يؤخذ فقد سارت موالاة الصحابة وسبهم دينا وعقيدة عند بعض طوائف ضالة نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه ونسأله العفو والعافية وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. Donc là, ce dernier paragraphe, il finit en disant que cependant, les choses à notre époque, elles ont changé. Les gens n'aiment plus. Pas tous, il aime Allah, mais de façon générale, l'amour est basé sur les intérêts mondains aujourd'hui. Les relations sont basées sur les intérêts mondains. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une convoitise sur quelque chose va t'aimer pour cela, même si tu es un grand fasik, un grand pervers, il va t'aimer pour ça. Et que si tu es quelqu'un de bien, et que tu ne lui apportes rien, ou que même on va dire que ta virtuosité le freine dans son élan, on va dire à vouloir obtenir les biens de ce bas monde. Il va te détester, t'éloigner et peut-être même mieux, pire, te léser ou te rendre le chemin étroit. Aujourd'hui, on l'a vécu, par exemple, rentrer en pays d'islam, faire la hijra, comme tu sais. Aujourd'hui, tu es dans un pays d'islam, tu es habillé en sunnah, direct, c'est la cabine à côté. Question interrogatoire, et peut-être même on te renvoie. Pourquoi ? Pour ton apparence, Sonia. Après on t'interroge, on te teste qui tu es, à qui on a affaire. Et demain tu viens habiller une chemise hawaïenne, un bob et des sandales et un appareil photo, même si t'es un muslim, tu rentres tout de suite. Un kafir, il va rentrer tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'il attire, c'est un touriste, il amène de l'argent. Et il donne l'image de pays développé, ouvert et tolérant. Alors que toi, tu fais fuir les gens avec la sunna. Tu n'attires pas les touristes. Tu n'auras pas d'argent. Toi, c'est la khasara avec toi. Hein ? C'est la khasara avec toi. Tu fais peur aux gens. Donc de là, ça mène à quoi ? En pays d'islam, on est dur avec toi. Alors que le kafir ou le fasiq, marha, marhaban, b. Ça, c'est pas normal. Normalement, c'est toi qui dois rentrer en premier. C'est vrai, aujourd'hui, il y a des iltibas qui s'est fait à cause des khawarij, ce qu'on appelle Al-Qaïda, ce qu'on appelle les Daesh, tous ces gens-là, qui eux se disent salafis, portent l'apparence salafia, prônent une salafia verbale, sur certains points, la contredisent, même verbalement et gestuellement dans d'autres points, dans beaucoup de points, ce ne sont pas les salafis. Et comme les gens n'ont pas envie de chercher à savoir qui est sur le haq et sur le baratil, ils mettent tout dans le même sac, comme on dit, dans le même panier. T'es comme lui, tu le ressembles, t'es pareil que lui. Non, je ne suis pas comme lui. Je suis pas comme lui. Lui, c'est un égaré. Moi, j'espère être parmi les gens droits. Moi, c'est Kitab al-Sunnah, à la femme salaf al-Salih. Eux, c'est à la femme ahwa'ahum, ou à la femme za'im firqatihim. Lui, c'est, il marche où ? Avec ses passions, ou avec sa compréhension à lui, ou celle de son chef. Tu dis, ana za'imu, l'offre d'un kamatakunantum, ou un nabi, ou sallallahu alayhi wa sallam. Moi, mon meneur, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ces gens-là, ils font ? Moi, je ne le fais pas. Je ne cautionne pas. Et ce qu'ils font s'oppose à son ordre et à sa parole. On n'est pas pareil. Il dit, mais lui, il se dit salafi. Je suis alors, il peut dire ce qu'il veut. Ça, c'est sur la langue. Hein ? Laissa amanikum wala amani al-kitab. Man yamal su'an yujzabi. Ce n'est pas votre prétention au sein des gens du livre. Celui qui agit en mal sera rétribué en conséquence. Ce n'est pas toute prétention dite par la langue qui est crue. Les gens disent, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Si on croit les gens par ce qu'ils prétendent, ah bah c'est fini. Il y a que des gens bien sur terre, en général. Eux-mêmes, ils font des tests sur les gens. Par exemple, demain, je sais pas, tu viens à un travail, entre ton embauche, on te teste. Ok, il dit, moi, je suis... Tu veux un poste, tu veux être, je sais pas moi, plombier. Tu fais une demande d'embauche pour être plombier, dans une compagnie de plomberie. T'es convoqué pour un entretien d'embauche. T'interroges, on voit tes compétences, que t'es pas un charlatan. Ou est-ce que vraiment, avec un diplôme, est-ce que tu es fort, tu maîtrises, est-ce que tu connais, est-ce que tu es expérimenté ? Alors, c'est pas toute personne qui dit je suis plombier, on dit tiens, viens, je t'embauche. On va tester d'abord qui tu es. Tu vois ? Dans la douillette, ils le font ça. Pourtant, on dit ils ne veulent pas le faire. Normalement, il leur convient de quoi ? Certains le font, mais ils ne sont pas beaucoup. D'apprendre les bases de la religion. Ça, à la base, c'est wajib pour tout musulman. Qu'il soit à l'aéroport, qu'il soit au ministère, qu'il soit dans son taxi, qu'il soit. Où qu'il soit, il doit l'apprendre. Et une fois que tu connais les bases, là il te teste, il t'interroge. Et l'imtihan le din, le fait de tester les gens, ça fait partie de la religion. Le Nabi Salam, il a dit imtihana adil jariya. Qu'allait ayn Allah, qu'allait fi sama, qu'allait man ana, qu'allait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'allait artikaha fainaha mu'mina, libéra ka ali croyante. Il a testé, regarde dans le hadith qu'on a vu quand il partait pour Badr. Qu'un mouchik a voulu le suivre, il a dit quoi ? Hal tu'minu billahi wa rasuli ? Voilà là. Le test, il n'a pas dit viens avec nous. Il dit est-ce que tu es un croyant ? Dans le sens, tu crois en lui ? Il a dit non. Le repas. Là, c'est un bikafir, bin mouchik. Donc les gens, à la base, ils doivent faire ça. On sait qu'aujourd'hui, il y a. Il t'y baisse. On peut confondre, c'est vrai. Donc maintenant, on dit toi, pose-toi là, toi, pose-toi là. Et là, tu testes. Il dit par exemple, ils vont dire voilà, Mac, tu suis. Que penses-tu de un tel. Que penses-tu de telle chose qui s'est passée à tel endroit. Le Moussalavi va être clair. Et l'autre, il se peut qu'il mente. Pour arriver à son cost. Lui, il veut rentrer et faire un façade. Si je dis ça, il va me griller. Ils vont pas le passer, tu vois. Donc il peut tromper. Mais après, lui, tu le guettes. Tu peux guetter après, voir si vraiment il est sincère, tu vois. Tu laisses partir, tu guettes. Où est-ce qu'il va. Direct, le mot se dit où il va, tu vas le voir tout de suite. Qui fréquente, tu vas voir tout de suite qui il est. Le salafi est wadih. Et bien eux, il y a du brouillard autour d'eux. Et même s'ils se méchaient les salafis, comme on a vu à des mèches, des voix qui venaient, tu le dis tout de suite. vu que des afkar ghariba, tout de suite tu le sens. Tu fais lui là, j'ai parlé avec lui, il a dit chibouel celui-là. Par l'éloge qu'il fait sur des gens, ou les idées qu'il a en tête, ce genre de choses, tu vois tout ce que lui il a des afkar. Des fois c'est un jaïl, il sait pas, faut le payer, et il revient. Ou des fois c'est quelqu'un, il sait très bien ce qu'il fait, il veut juste se camoufler au milieu de toi, pour passer inaperçu. Et après il fait sa façade. Donc comme il dit, que les gens, attention, aujourd'hui basent leur alliance et leur désaveu pour des biens de ce bas monde. La Hizbiya, elle est comme ça. La Hizbiya, c'est quoi? Elle est wala al-bara al-dayyiq. Quand tu t'allies, tu désavoues, pourquoi? Pour une idéologie ou une chose quelconque qui est autre que le kitab wa sunna. Ou qui s'y oppose. D'accord? Et c'est pareil, le Hizbi va s'allier avec même un ta'ben s'il est comme lui. Si tu es d'accord avec ses idées ou quoi, il va s'allier avec lui. Si t'es pas avec lui, il va faire la guerre, faire le hajj pour rien, il va pas t'aimer. Alors tu ne lui as rien fait. Juste, tu n'es pas d'accord avec lui. Sur autre, bien sûr, que kitab ou sunna. Parce que moi, demain, quelqu'un il vient, il fait le hajj d'amour, il te dit, ah, on va pas l'aimer. Il va dire, vous êtes pareil, vous aussi. Il fait, ouais, nous, on a un wala bara, la kin m'abni, la kitab ou sunna. Min hizbillah bi iznillah. Je dis, non, mais c'est pas un hizb, comme les ahzab siyasiya ou autre. C'est pas ça. Nous, c'est, elle wala al bara shal'i. Légiférer que Allah nous a ordonné. Ça, c'est pas être sectaire, ça. Ça, c'est quoi? Hein? Aoussak l'ura al-iman, comme on a dit. L'on se préfère de la foi. On a des adillahs qui confirment ce que nous on fait. Mais vous, vous en avez pas. Pourquoi tu aimes pas un test qui parle, il parle sur ton cher? Voyez, mon cher, il a fait quoi? Il a ça comme mukhalafa. Ça, ça, ça. Je dois parler sur lui. Nimbeb, l'am ni ma'louf, ou nahi munkar, ou nasiha. Je dois parler sur lui. Pourquoi t'es contre moi? Parce que ton amour pour lui est autre que l'amour qui a été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, tu n'aimerais pas. Tout ce qu'il a comme erreur et que l'argument lui a été donné, tu ne dois plus l'aimer normalement. Ou du moins, plus l'aimer comme tu l'aimes là. Toi, tu l'aimes trop, au point que tu te mets à aimer pour lui, détester pour lui. Et il ne mérite pas ça. Ah, maintenant, un alim, ou une personne salafie, innocente qui a été lésée, tu dois aimer pour elle. Et détester pour elle. On lui fait du mal, tu le défends. N'aime pas ça, mais je crois من محبة من علامة الإيمان حب الأنصار من علامة النفاق بغض الأنصار. يعني les gens du bien ils ont des signes parmi les signes de la foi, le fait d'aimer les Ansar et le fait parmi les signes du nifaq, le fait de les détester. Donc demain une personne qui n'a rien à se reprocher dans le sens tout le monde a des péchés, tu vois, mais dans son din, son manhaj ou quoi, t'as rien contre lui, tu ne dois pas t'en prendre à lui. À part ça, tu te douilles entre toi et lui, c'est, mais de là à faire une équipe pour être contre lui. Et quand quelqu'un tu vois qu'il est cru, tu ne l'aimes pas à cause de ça, ça c'est de la hizbiya, ça. Hein? Par contre, quand c'est pour le haq, d'accord? Par exemple, toi demain tu es sur la salafia, des gens critiquent les salafis, tu ne vas pas l'aimer. Ou tu vois, il fait le hajj au salafi, ou à tes frères, il parle sur tes frères injustement ou quoi, ou le ulama de la salafia, injustement, tu ne dois pas l'aimer. Tu n'as ça, il continue, tu le délaisses. Et ça, c'est pas de la hizbiya, ça. Dans le sens mazmoum, c'est de la hizbiya dans le sens hizbullah. Tu comprends? C'est pas du sectarisme comme ils veulent le faire croire. Quitte tout seul. Ouais, regarde, il aime personne lui. Pourquoi il aime personne? Parce que lui c'est un Ikhwani, lui c'est un Tabiri, lui c'est un Takfiri, lui c'est un Khariji, lui c'est un Soufi, lui c'est un Rafidi, kata kata. Donc, ouais, il est tout seul. Naam. Donc il dit. Donc comme on dit, les gens qui ne t'apportent rien en ce bas monde, ils sont méprisés aujourd'hui et rabaissés. D'accord? Les gens de la salafia souvent, aux yeux des gens qui n'ont pas une bonne valeur, une bonne notion de l'amour légiféré, ils rabaissent les salafis, souvent. D'accord? Vous n'avez rien, vous n'apportez rien, vous ne servez à rien, tout interdit avec vous, on ne peut rien faire avec vous pour ne pas vivre. Tu es là, il t'a créé pour que tu l'adores. Tu vis, mais cette vie, pourquoi elle t'a été donnée? Pour que tu l'adores, pas pour que tu fasses n'importe quoi. Tu vois? Il dit, moi je veux vivre. Tu dis, et dunya, si j'ai le mu'min. C'est une prison. Vous allez, c'est une prison. Donc qu'est-ce que tu veux faire dans cette prison? Fais ce qui t'apporte d'ouvrir la porte de l'au-delà pour rentrer au Jannah. C'est là ta force. Vous voyez? Ça, c'est la première vie. Cette dunya, c'est pour œuvrer. Donc profite-en. Ne perds pas ton temps et fais pas des choses qui pourront retenir pour après, parce que tu vas regretter. Donc nous, on ne sait pas tout interdit. Nous, on interdit ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Après ça c'est du rouleau, comme les gens ne savent plus quoi dire, tout est haram avec vous. Après tu finis des trucs halal, ils ne savent plus quoi dire. Et ce qui est du haram, c'est qu'il y a des adrar derrière. Il y a du mal derrière. Et si tu veux te prouver que telle chose que tu fais, il y a du mal derrière. Seulement toi, tu sais tes shahawat, tes passions. C'est le problème. et que le moulon vient, on t'en empêche. Donc nous aime pas pour ça. Donc ça s'appelle mahaba shar'iyya, ou un bon shar'iyya. C'est juste nafsi. Ou une nafs la ammaratun bisou, il a man rahim. Non, donc après c'est un hadith, une parole d'Abdullah ibn Abbas où il dit que celui qui a aimé pour Allah, détesté pour Allah, qui s'allie pour Allah, se désavoue pour Allah, a certes obtenu l'ange d'Allah pour cela. Et que la plupart des choses que l'on reproche aux gens aujourd'hui sont basées sur les choses de ce bas monde. Hein? Et que cela ne leur servira à rien. Les choses de ce bas monde ne serviront à rien. Et selon Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui s'en prend à mes alliés, je lui déclare la guerre. Ça c'est ma'arouf. Tu t'en prends à Wali d'Allah, tu auras des problèmes. Hadith Qudsi, c'est Allah qui te l'a dit. Donc attention à qui tu t'en prends et pourquoi tu t'en prends. Tu seras perdant à la finale. Même si vous êtes plus nombreux, vous avez ce que vous avez, vous serez perdant à la finale. L'imam Qudsi a dit dunya, fais ça contre l'akhira. Et tu ne seras pas moins fort de ce que tu fais. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Il est bien rahmat Allah. Donc il dit, et les pires des gens, parmi ceux qui, à qui Allah déclare la guerre, sont ceux qui s'en sont pris ou qui? Aux Sahaba. Car ils sont les meilleurs des gens. D'accord? Après l'NBA, ils sont les meilleurs des gens. Donc si tu te prends aux meilleurs des gens, attends-toi à ce qu'Allah déclare la guerre. Regarde aujourd'hui ce qui se passe au Yémen, la rafia, ce qui leur arrive. Regarde. Ibra. Donc celui qui les insulte, qui s'en prend à eux, qui les rabaisse de leur rang, hein, qui s'attend à ce que Allah déclare la guerre. C'est pour les Sahaba, mais toute personne aussi, aujourd'hui parmi les Mustaqimines, que ce sont qui ont cru, qui ont été pieux. Donc toute personne, tout croyant pieux, c'est un wali d'Allah. Après, ils ont des darajats, certains sont plus. Voilà, certains le sont plus. Et les awliyas, sûrement pas comme les soufis le voient. Et attention aussi, c'est pas toute personne qui marche dans les airs que c'est un wali d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme M. Charles Sam Taimier l'a dit, quand tu vois quelqu'un qui marche dans les cieux, qui flotte dans les airs, qui marche sur l'eau, ce genre de choses, avant d'être impressionné, qu'on regarde le bien, est-ce que ses actes sont conformes à la sunnah. S'ils ne le sont pas, c'est pas un wali. C'est juste du cirque qu'il fait ou du tir ou ce genre de choses. T'en as plein, ils le font. Hein. Même chez les koufars. Ouais, ils te font disparaître des trains. Hein. C'est-à-dire que c'est un wali d'Allah, celui-là. Il y en a à New York, après une seconde après, il est à Hong Kong. C'est un wali d'Allah, celui-là. Ah non. Ça c'est du sihr souvent, ce genre de choses. Donc regarde bien, tu vois par exemple demain quelqu'un, tu vois qu'il est même pas en sunnah ni rien, il fait des trucs extraordinaires à tes yeux, au nom du djinn, tu dis toi, t'es un charlatan toi. Ça c'est pas une mu'jiza. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, craignez Allah dans mes compagnons. Hein? Car celui qui s'en prend à eux, s'en est pris à moi. Et celui qui s'en prend à moi s'en est pris à Allah. Et celui qui s'en est pris à Allah est sur le point de se faire prendre, saisir, on va dire. D'accord, saisir. Et qu'il dit par la suite que le fait de s'opposer aux Sahaba, de les insulter, ce genre de choses, cela est devenu une religion, une croyance pour des gens. Comme qui? Ma'arouf. Ar-Rawafid. Naam. Mais les Rawafid ne sont pas des musulmans. D'accord? Ils ne sont pas des musulmans. Justement, pour l'un des points, celui-là. Il y en a d'autres. Mais l'un des principaux points, de la principale alamat, qu'ils insultent les sahaba, qu'ils les maudissent et qu'ils les rendent mécréants. Wa sallallahu yakfuna shar hadhihi al-ta'ifa adh-dhalla ayna ma kan. Donc il dit, nous recherchons refuge auprès d'Allah, de sa colère et de son châtiment douloureux. Nous lui demandons le pardon ainsi que la prémunité. Et il finit en disant sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Donc le khurasa, les trois catégories de gens qu'on a pris aujourd'hui par rapport à l'alliance des aveux, il y a les mu'minoun purs. Eux, ils ont un amour pur pour eux. D'accord? Comme les anbiya, comme les siddiqin, ceux qui sont véridiques, comme les shuhada, les martyrs, et comme salihin, les gens pieux. Tamam? Eux, il faut les aimer. Bien que là, ما من أحد معصوم من الزلة ما من صالح وصديق لبالا بغيد فعن إغراء Et c'est pas à la moindre heure ce qu'il fait, tu tombes dessus. D'abord, il y a une nasiha à faire, un bayen à faire. Si c'est un salih, on se dit qu'il revient tout de suite. Tu le bayen. Il est pas marsom. Donc c'est pas la moindre erreur, on éclate les gens. Et il faut pas non plus faire croire que salafis sont comme ça, c'est pas vrai. Il y a des gens, faut voir maintenant celui, ou qui met al-hujja alayhi amla, s'il a eu l'argument ou quoi, et qui persévère, là c'est autre chose. Maintenant celui qui sait pas ou quoi, yun sah. Ensuite, deuxième catégorie, c'est le contraire. Ce qu'il faut détester totalement. Et pas d'amour pour eux. Je parle de l'amour, al-wala, al-imani. L'alliance par rapport à l'imen. Là c'est les kuffars. Hein, et les munafiqoun, les murtaddoun, les apostats, et les mouchtekoun. Tout cela, c'est pour eux pas d'amour. D'accord? Pas d'amour pour eux. Du moins, hormis l'amour naturel pour les proches. Avant, hormis l'amour naturel pour les proches. Troisième catégorie, ceux qu'on aime d'un côté et qu'on déteste de l'autre. Sont-ils? Ça, c'est parmi les pervers de cette umma, les désobéissants. Même Mutadi'a. Donc la bida n'a pas atteint le kouf, la salle de kouf et de shirk, pareil. Tu l'aimes pour les mêmes qu'il en lui, quand c'est un mu'min, et tu détestes pour sa bida. C'est son dalal, et ainsi de suite. Et plus sa bida est grande, et plus il est mauvais, et plus tu vas le détester. Mais ce dégoût que tu as pour lui ne doit pas être équivalent à celui que tu as pour les koufars. Ne jamais oublier cela. Parce que des fois, tu as des gens, notamment la rage contre un frère, on dirait qu'ils sont prêts à s'allier à kafir pour être contre lui, tellement ils ont la rage contre lui. Je dis non, tu peux avoir de la rage contre lui, comme tu le dis. N'oublie pas que c'est pas ton ennemi, il est derrière, c'est le kafir. Comme on voit par exemple, t'envoies qu'ils sont en France, Mathalène, pour te dire comment leur wala ou le bara ils sont déréglés, tu les vois plus parler sur les salafis, qui n'aiment pas, que parler sur les koufars. Tu veux le faire par exemple des séminaires sur la hadadiyya, donc ceux qui y visent par là, et pas sur le séminaire sur le christianisme, au judaïsme ou ce genre de choses, rien. T'en as, ils vont arriver, ils vont parler sur un tel, cher un tel, ils ne sont même pas dire juif. Devant les koufars ou chrétiens. Ça se veut dire devant eux. Il veut dire un hadith, il veut dire un homme. Il ne veut pas dire un juif. Un homme, il ne veut pas dire un chrétien. Même le mot créé, on va dire un non-musulman. Pour parler sur des salafis, il va y arriver facilement. Il mouhadara de 3 heures. On se rassemble, on parle. Et ça, ces gens-là, le wala bala chez eux, il est dangereux. C'est-à-dire que tu arrives plus facilement à parler sur tes frères. Même si on dit qu'ils ont des erreurs, quoi. Tu as plus de plaisir à parler sur eux, de rage, qu'à parler sur tes ennemis. Et ça, c'est un gros problème. Et ça, c'est parmi quoi les conséquences de vivre là-bas. Comme on l'a dit au début, et c'est le fait de vivre là-bas, c'est quoi? Sans excuse, justement, parmi les signes apparents qui montrent de l'amour pour eux. Ah, et voilà. Donc, le lot, bien sûr, qui? Cette personne-là. Quand même? Bien d'accord, donc, on a dit Alhamdulillah, Rabbil Alamin.